نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنحمد الله عز وجل الذي من علينا وأحسن ورجعنا إلى مثل هذه الحلق الطيبة النافعة الممتعة. Donc on remercie Allah Azza wa Jal et on le loue, lui qui seul nous comble de bienfaits nuit et jour, et lui seul qui nous a ramené et c'est lui qui nous a ramené à ce genre d'assises bénites. فنشكره سبحانه وتعالى على ذلك. Donc on remercie Allah Azza wa Jal pour ce bienfait, le fait d'être venu dans ses cours et dans ses assises. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oh vous les croyants, mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées et remerciez Allah Azza wa Jal si toutefois vous, c'est lui que vous adorez. Naam. Fashukr wajibun lasiyama fi mithli hadhihi al-hala. Donc le fait de remercier Allah, c'est une chose obligatoire, surtout dans ce genre de situation. عسى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بزيادة من عنده وفضل منه. En espérant qu'Allah سبحانه وتعالى de par ce remerciement il nous rajoute encore plus de bienfaits venant de lui. وهذا مصداق قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Et ceci n'est autre que en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit si vous le remerciez, c'est-à-dire si vous remerciez Allah azza wa jalla, certes nous vous rajouterons, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il vous rajoutera de ses bienfaits. Fa nashkuruhu jalla wa ala ala dhalika wa kadhalika ba'da shukrihi nashkur jami'a man sa'a fi hadha al-amr وسعى في الإصلاح والصلح. Et aussi après qu'on ait remercié Allah Azza wa Jal On remercie toute personne qui a participé, de près comme de loin, et qui est la cause, ou qui fait partie des causes, qu'on soit, ou qu'on ait pu revenir dans ce genre d'assises. On a khusso bidhikr akhana al-fadil al-muhtarim sahib al-qira'at الحافظ لكتاب الله المتقن فيه أخانا عبد الوهاب ابن ياسين السنغالي حفظه الله ورعاه فإنه قد قام بجهد عظيم وبذل وسعى في الإصلاح بيني وبين مسؤولي المسجد فجزا الله خيرا Et donc, après avoir remercié Allah Azza wa Jal, on remercie plus particulièrement notre frère de mérite, Akhuna Abdul Wahhab, car certes, bien qu'il soit dans un autre pays, il s'est investi dans cette affaire d'un très grand investissement. Naam. Et c'est lui, Ba'd Allah Azza wa Jal, qui est l'une des grandes causes que ces durous continuent. وأخونا عبد الوهاب كما ذكرت لكم حافظ لكتاب الله وإن شاء الله عامل به. Donc, comme je vous ai évoqué, notre frère Abdul Wahab, c'est quelqu'un par un bienfait d'Allah Azza wa Jal qui a mémorisé le Coran et qui l'a maîtrisé. Mais aussi, c'est quelqu'un qui œuvre avec le Coran. Et ceci, c'est notre jugement, et c'est Allah qui est plus savant. Mais de ce qui nous apparaît, c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il connaît de la science. La main, elles n'entendent pas bien. Taïe. Donc, Akhuna Abdul Wahhab, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui mémorise le Coran et qui le maîtrise. Et, walillah alhamd, il pratique ce qu'il connaît. Hada huwa al-hafiz haqqan. Haqqan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى dit il n'y a pas de bien dans leur conversation si ce n'est quelqu'un qui ordonne une aumône, hein, ou une bonne parole, ou qui se précipite à réconcilier entre les gens, ou qui se précipite à réconcilier entre les gens. Celui qui fait cela pour la recherche de l'agrément d'Allah, alors certes, à lui, nous accorderons un très grand, une très grande récompense. Na'am. Wa qawluhu ta'ala wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khayr. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il évoque les deux époux et qu'il dit que si l'un d'entre eux veut délaisser un droit qui lui revient pour préserver ce couple, c'est-à-dire pour préserver l'union, alors ceci est meilleur, où il n'y a pas de grief, nul grief sur cela. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Et la réconciliation est meilleure. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul Fattaqu Allah wa aslihu dhata baynikum. Craignez Allah et précipitez-vous à réconcilier entre vous. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la taj'alu Allah 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna an-nas. Wallahu sami'un 'alim. Et ne faites pas, et Allah il dit dans un autre verset, selon une traduction approximative, et ne faites pas du fait que vous avez juré par Allah une chose qui vous empêchera de faire un acte de bienfaisance ou de crainte révérentielle envers Allah Azzawajal ou de réconcilier entre les gens. فالذي يحفظ مثل هذه الأدلة عليه أن يسعى في الإصلاح بين الناس ولا يجوز له السكوت فإن هذا يعتبر خذيلة عن الحق وأهل. Donc celui qui a mémorisé ce genre d'adilla, il ne lui est pas permis de les délaisser et de ne pas œuvrer avec. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. Le prophète sallam il dit secours ton frère qu'il soit opprimé ou opprimeur. نعم. ف ليس كل من يحفظ كتاب الله كان اهلا من أهالي الله عز وجل لأن الذي يحفظ القرآن كما جاء في الحديث هم أهل الله وخاصته. Et ce n'est pas toute personne qui mémorise le Coran qui fait partie des gens ou des partisans d'Allah عز وجل. Il y a un hadith, c'est sûr, il y a un hadith qui dit que celui qui mémorise le Coran, hein, ou les partisans d'Allah sont ceux qui mémorisent le Coran. نعم sont ceux qui mémorisent le Coran. طيب لكن dans le même hadith le prophète sallam dit الذين يعملون به, lorsqu'il précise qui sont ces gens qui ont mémorisé le Coran, ce sont ceux qui œuvrent avec. Ce sont ceux qui œuvrent avec. وإلا فالقرآن بمجرده بدون عمل لا ينفع صاحبه. قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الآية الله سبحانه وتعالى يدلنا en guise de parabole un homme à qui Allah سبحانه وتعالى lui a donné ses versets, lui a donné ses ayats. Mais lorsque cet homme-là n'a pas œuvré avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié yani, d'un attribut comme étant comparable au chien. Na'am. Wa halum mujara. Wa lakum kadhalik mithalun akhar ani al-khawarij. Al-khawarij alladhina hum kilabun nar min awsafihim أنهم يحفظون القرآن ويتقنونه لكن لا يتجاوز تلاقيهم. Parmi les signes des khawarij, parmi les signes des khawarij qui sont, comme le prophète sallam les a qualifiés, une secte égarée qui feront partie des chiens de l'enfer. Le prophète sallam a également évoqué qu'il maîtrise la lecture du Coran. Hatta le prophète sallam il dit تحقر أحدكم أو يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم أو مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a qualifié les khawarij comme étant ماذا des gens dont les sahaba eux-mêmes vont avoir honte des prières qu'ils font face aux prières des khawarij. Et les jeunes qu'ils font face aux jeunes des khawarij. Et lorsqu'il évoque le Coran, c'est pour dire qu'il maîtrise la lecture du Coran. Il maîtrise la lecture du Coran. Lakin, le Coran, il n'aurait pas été utile. Pourquoi ? Parce qu'il n'œuvre pas avec ce qu'il y a dedans. Et Ahlul Kitab, les gens du livre, pareil. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يَعْلِنُونَ منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني ما معنى يا محمد؟ Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi les gens, il y a des illettrés. Ils ne connaissent pas le livre. Si ce n'est, En gros, ils ne comprennent pas. En gros, ils comprennent même les plus profonds du livre, non? Hein? C'est que la lecture. Naam, illa amani et mujarrad qira'a. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien du livre si ce n'est la lecture. Wada ma yanfa'. Wada ma yanfa'. Al-Qur'an la budda an yu'mal bah. Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam, le Coran hujjatun laka ou alek. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Fala yakfi. Ça ne suffit pas d'apprendre le Coran. Faut le mettre en œuvre. Wa min al-a'mal allati tadullu ala husn fahm al-hafid annahu yas'a. في مثل هذه الأمور يعني الصلح بين الناس فنشكر أخانا عبد الوهاب أيما شكره ولا يتسع الوقت حتى نشكره بما يستحق لكن خيرهم الدخر عند الله عز وجل ونسأل الله أن يمن علينا وعليه بالعلم النافع وأن يثبتنا وإياه على الحق وكذلك نشكر جميع الإخوة الباقين كأخينا أبي علي محمد التونسي aussi on remercie après avoir remercié Abdel Wahab tous les frères qui ont participé à ce que ou qui ont été des causes pour ce que les cours reprennent comme notre frère Mohamed Guerrieri ainsi qu'Akhouna Haroun ou Al-Jama'a Fadizakum Allahu Khairan wa tibtum وبوركتم وإلى درسنا إن شاء الله وعليكم السلام طيب وكذلك قبل أن ندخل في درسنا on avait été conseillé où il y avait une sœur par l'intermédiaire de mon épouse qui nous avait conseillé de rajouter des cours de tawhid pour les sœurs car les cours qui sont relatifs aux règles, aux ahkam, aux fiqh, c'est bien, mais la base, c'est le tawhid. La base, c'est le tawhid. Et c'était vraiment un très très beau nasiha de cette sœur, qu'Allah la récompense, qu'elle nous a donné. Car c'est vrai que nous, quand on a commencé le livre pour les femmes, on est rentré dans les verbes qui concernent les tawhid. Et après, on est rentré dans les ahkam. Mais ceux qui ont loupé les premières verbes, c'est un problème pour eux. Ni ils entendent parler de tawhid, ni ils entendent parler de aqidah, wama et la dalle. Donc c'est pourquoi, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, on a décidé de couper le dars en deux et de, au lieu de se contenter du livre sur les règles relatives aux femmes, on va rajouter aussi un livre dans le tawhid, qui concerne le tawhid. Taïf. Naam. Et Inch'Allah, on a choisi un livre simple et court qui résume un peu les bases de la religion et les bases que tout un chacun doit connaître en islam. Donc on a choisi la risala, le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'appelle Usul al-Sitta, al-Usul al-Sitta, les six piliers ou les six bases, les six fondements. Et c'est un livre, il est muhim jiddan, c'est un livre qui est très très important. Walillah alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité pour qu'on ait pu annoter ou accomplir quelques annotations. pendant qu'on était à Dammaj. Et c'est des annotations que certains de nos machères ont relues et ont approuvées, comme Cheikh Abdelraqib Al-Kawkabani. Jazakallahu khairan. Fa inshallah, je laisserai le livre à Aaron. Aaron, il va faire des photocopies. Et inshallah, on distribuera pour tout le monde ou ceux qui demandent le charh de Usul al-Sittah ou les annotations qu'on a pu faire sur Usul al-Sittah. On les distribuera à tout le monde. Tamam? Naam. Inch'Allah, si Abu Ali il revient, on va le laisser aussi parler au sujet des accords qu'il y a entre nous et les dirigeants. Pour pas qu'on se répète, je ne vais pas les évoquer là tout de suite, comme ça lui quand il viendra, Inch'Allah, il vous évoquera sur quoi on s'est fixé pour reprendre les cours. Tamam? Ala kulli hal. Donc Inch'Allah, on va couper le dars en deux. Et le premier dars, ça sera le usul al-sitta. Et ensuite, Inch'Allah, la deuxième moitié du cours, il sera sur le livre de... C'est dans combien de temps, là, ça? 50 minutes. Tamam. Et la deuxième moitié, ça sera sur... ça concernera les règles relatives aux femmes. Donc Inch'Allah, طيب بسم الله الرحمن الرحيم فهذه رسالة عظيمة ومهمة صغيرة الحجم كبيرة المنفعة. Donc, cette risala, ce petit livre, est un livre énorme et très important, qui contient un nombre infime ou très petit de feuilles, mais qui a un sens énorme. Et un sens énorme. بل هذه تعتبر من أهم كتابات الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. Et ce livre-là, il fait partie des plus importants écrits qu'a rédigé le noble savant محمد بن عبد الوهاب. لما فيها من الأصول ولما فيها من بيان منهج أهل السنة وبيان ما يخالفه. Et ceci en vue de toutes les bases que contiennent et qu'a évoqué l'auteur dans ce livre. Les bases concernant la voix des gens de la Sunna et des pieux prédécesseurs. Et ce sont aussi des bases qui concernent tout ce qui contredit la Sunna. Fajazallahu khairan anil islam wal muslimin. Donc, qu'Allah récompense cet auteur. Inch'Allah, si Allah il facilite pour qu'on puisse étudier Fima Ba'd, Kitab Tawhid, Inch'Allah, on évoquera un bout de la biographie de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, car ceci mérite vraiment d'être connu de tout à chacun. Lakin, madame anna al-waqt muqassam قسمين فلا بد أن نعجل شوية. Donc du moment que on a coupé le cours en deux, on est obligé de passer sur la biographie du chien. لكن إن شاء الله on la verra في مستقبل قريب بإذن الله. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme c'est son habitude, il a commencé par quoi, Ryan? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça s'appelle comment quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Ça s'appelle al-Basmala. Ça s'appelle pas al-Tasmiya? Et Asmal? Al-Tasmiya c'est juste Bismillah. Al-Tasmiya c'est juste le fait de dire Bismillah. Mais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim c'est al-Basmala. Naam. Walimada ja'a bil-Basmala? Ya Khan Ali. Pourquoi il est venu avec la Basmala? Pourquoi il a commencé avec la Basmala? Naam, talaban lil baraka. Ceci afin de provoquer ou d'attirer sur son affaire ou sur son œuvre la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Wa et aussi pour suivre la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala est venu dans le Coran. C'est-à-dire que chaque surah commence par al-basmala. C'est aussi une sunnah. Et il a voulu aussi suivre la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. Lorsqu'il envoyait des courriers au Moulouk, il commençait par al-basmala. Au Kadari. C'est les autres prophètes Naam. Et c'est aussi la sunna d'autres prophètes et messagers, comme le récit de Suleyman avec la reine de Saba. Innahu min Suleyman, innahu bismillahir rahmanir rahim. Naam. Wa kadhalik. Des auteurs de la tradition des autres. Naam. Il a fait cela aussi pour suivre la tradition des auteurs al-mutaqaddimin. Les auteurs des pieux qui figuraient pendant l'époque, l'âge d'or de l'islam, c'est-à-dire les trois premiers siècles après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les trois meilleurs siècles de l'islam. Donc les auteurs de cette époque, de ces époques, avaient pour l'habitude, en généralité, de commencer leurs écrits en évoquant al-Basmala. Qui est un exemple d'auteur? Al-Bukhari, na'am, al-Bukhari. Wa kadhalika l'imam Malik. Wa Ahmed, wa ghayrihim. Voyez. Wa kadhalik, baqiya. Pour faire le neuf. Pour faire le neuf. Hein? Par rapport à la niya aussi. Par rapport à la niya? Bismillah. On peut parler de la niya. Pour que le nom d'Allah soit mentionné. Pour que le nom d'Allah soit mentionné. Hein, Muslim. Hein, Allah alam. Pour commencer les films. Pour dire qu'il va. Allez. Wa Rahman wa Rahim. Bati, alors on a cité 5 causes pour les. Ou 5 raisons pour lesquelles il est venu, il a commencé son livre. Par al-Basmala. Il y en manque une sixième, qui est souvent ignorée de beaucoup de tullab al-ilm, et qui est une cause qui est importante d'évoquer. Une raison. Très bien, il y a un hadith ici. Il y a un hadith qui évoque ça avec une. Kullu amrin la yabda bi Basmala fa wa abta. Voilà, il y a un hadith là, il y a un hadith. Parce que c'est Allah qui lui a permis de faire ça. Parce que c'est Allah qui lui a permis de faire ça. Là, طيب بقي أنه فعل هذا مخالفا لمن؟ للمشركين. Il a fait ça pour contredire aussi ce sur quoi étaient les associateurs de son époque. تمام؟ نعم. فقال عليه رحمة الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أسل بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضالون ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Donc ça, c'est une guise, c'est en guise de d'introduction en son livre, pour son livre. Donc il dit, en guise d'introduction, il dit, il existe six principes, principes ou fondements, six principes ou fondements qui sont autant de signes prodigieux de l'omnipotence divine qu'Allah a montré clairement et de façon indubitable au commun des gens. Or, malgré cela, beaucoup d'intelligents en ce monde et d'esprits brillants de l'humanité s'y trompent, à l'exception d'un petit nombre. Vous voyez, là on l'a lu en français, qui a compris quelque chose? Il a compris, sauf certains. Qu'est-ce que vous avez compris? Hein, vous? Tu peux répéter. Je répète? Oui, je répète. Il dit, il existe six principes ou fondements, six bases. Principes, c'est les bases ou les fondements. Vous voyez? Il existe six principes ou fondements qui sont autant de signes prodigieux de l'omnipotence. Ça veut dire quoi l'omnipotence? L'omnipotence d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Voilà, Qudratihi. Yani, c'est sa puissance. Tu vois? Donc il existe six bases, six fondements qui font partie des signes prodigieux qui prouvent la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et ce sont des signes, comme il dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré clairement et de façon indubitable. C'est-à-dire, clair, sans doute, c'est évident. Tamam? Au commun des gens. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré ces six bases à tout un chacun. À tout un chacun. Vous voyez? Or, malgré cela, malgré quoi? Malgré qu'Allah il a montré ces six bases, ces six fondements au commun des gens, malgré cela, beaucoup d'intelligents en ce monde et d'esprits brillants de l'humanité s'y trompent. Ils se trompent dans quoi? Ils se trompent dans la compréhension de ces six bases. À l'exception d'un petit nombre. Donc il n'y a qu'un petit nombre dans l'humanité qui a compris ces six bases-là. Et ça, c'est une introduction très, très pertinente et très, très éloquente de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. En fait, là, c'est comme s'il veut te dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré ces six bases-là. Qu'on va voir, il les a montrées. Où ça, il les a montrées? Fikitabe. Donc là quand il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a montré ça au commun des gens, est-ce que c'est toute la planète qui est visée? Un musulman. Tamam? Au commun des gens, c'est-à-dire aux musulmans, c'est des bases qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré qu'il lit tous les jours. Ça, c'est dans le Coran, c'est des bases qui sont dans le Coran. Il les lit tous les jours. Ou probablement, comme on vous l'a déjà dit, peut-être, il les apprend par cœur. Laquelle là, il a dit? Le Coran, il y a quoi? Laisa, yani, hifzuhu, laisa ghaya. Laisa ghayatan. Le fait de mémoriser le Coran, c'est pas un but en soi. Ça sert à rien ce que je dis? Hein? Ça sert à rien. La science utile, la science de la religion, c'est pas un but en soi. Ça sert à rien. Le but, c'est. Mohamed, réfléchis bien, Mohamed. Je comprends, est-ce que c'est pas un but en soi? Est-ce que c'est le but? En gros, je l'apprends pas pour la connaissance, quoi. Voilà, est-ce que la connaissance, la science, c'est un but en soi? C'est-à-dire que. Non, il faut que tu sois savant. Il faut que tu sois. Hein? Non, c'est pas un but en soi. Faut c'est pratiquer. C'est pas un but en soi. Tamam, Ahsan, c'est pas un but en soi. C'est un moyen d'atteindre le but. C'est un moyen d'atteindre le but. Ça y est. Le Coran, neuf seul kalam. Le Coran, c'est un moyen d'atteindre le but. En fait, là, quand tu regardes bien, tu as trois choses. T'as, on va dire, tu as le Coran, tu as l'ilm nafi', le Coran, mais l'ilm nafi', voilà, chèque. Et tu as l'amal, les œuvres. C'est quoi de ces trois choses qui est un but, qui est le but à atteindre? Et c'est quoi les autres qui sont des moyens? Les œuvres, c'est le but et le reste, les œuvres, c'est ça le but que tu œuvres. C'est ça le but en soi que tu œuvres. Taïb. Et le reste, c'est le Coran. L'ilm, c'est que des choses qui doivent te pousser à l'œuvre, à œuvrer. Mais s'il n'y a pas d'œuvre, le Coran fait quoi? Donc s'il n'y a pas d'œuvre, le Coran il se trouve dans une vallée et toi tu es dans une autre vallée. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un problème. C'est-à-dire l'insan, il ne doit pas se fixer juste d'apprendre. Non, mais il doit se fixer de mettre en pratique. Les compagnons, combien de temps ils apprenaient? Combien de temps Omar ibn Khattab est resté sur le Baqara? 10 ans. Et c'est parce qu'ils ne comprenaient pas la langue arabe. وأفصح منا ومن كثير ومن جميع العالم. القرآن نزل بلسانه. Le Coran il est descendu avec sa sur يعني il est descendu avec sa langue. Une langue que à leur époque dans le monde il y a que qui parlaient comme ça. Les Arabes de la Mecque, yani le Hijaz et les Qabaïl qui sont autour. Non. Ils comprenaient très très bien. Laquelle, eux, c'est, leur but, c'était pas de mémoriser le Coran. Leur but, c'était d'œuvrer. Ça veut dire ils apprenaient combien, qu'ils apprenaient 10 versets et ils ne les dépassaient pas tant qu'ils ne les avaient pas mis en pratique. Kana akhuna Hamza, alayhi rahmatullah, azza wa jal, wa nasallallahu an yarfa'a qadra, wa an yataqabbal minhu wa shahada, kana yukarrir lana. Hamza, Allah yarhamuh. Il avait l'habitude de nous dire, celui qui veut mémoriser le Coran, il faut qu'il œuvre avec. Quand tu vas œuvrer avec un verset, khalas, le verset va plus sortir dans ta tête. Au fi'lan, il y a quoi? Al-amal. Parmi les choses qui vont t'aider à ne pas oublier le Coran, le fait que tu œuvres avec ce verset. Le fait que tu œuvres avec ces sourates. Ces sourates. Donc, c'est comme ça, quand tu lèves le Coran, le qiyam al-layl. Si tu apprends une surah, si tu viens d'apprendre une surah, le meilleur moyen de la retenir et de la mémoriser, de la maîtriser, c'est de prier avec la nuit. Ala kulli hal, donc là, l'imam, là, son but dans cette introduction, il veut te faire comprendre que là, on arrive à une époque, au subhanallah, il est à quelle époque lui? 1700 ans, l'imam. 1700. Non, en 1700. À peu près il y a 300 ans. En 1700. T'as dit deux choses. Une bonne, une mauvaise. T'as dit il y a 200 ou 300 ans. Et t'as dit en 1700. Ouais, non, mais je. Non, en quelle année là? 1400. On est en 1400. On est en 1400. Combien il y a? 35. 36. 39. Oh là là, il y a un mouchkila fait au maté l'islam. Il y a un problème. 1439, il y a quoi? On est en 1439, après l'Égypte. Et lui, il est venu dans les années 1200. Et regardez déjà à son époque, il se plaint de la situation du monde. Et plus particulièrement du monde musulman. C'est-à-dire, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les ait comblés des deux guidées indissociables et claires et pures, c'est-à-dire le Coran et la Sunna Mutahara, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait comblés de ces deux bienfaits, tu les vois qui s'égarent. Tu les vois qui chirkouna billah, ويحلفون بغير الله ويذبحون لغير الله ويفعلون ويفعلون et tu vois les musulmans qui commettent du shirk qui jurent par autre qu'Allah qui égorgent pour autre qu'Allah qui adorent autre qu'Allah alors que ils ont en leur sein c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Vous voyez, donc là on va prendre certaines de annotations. On a une idée sur cette. C'est à quelle heure la prière ? 19h. Dans 30 minutes. Dans 30 minutes ? Prière. Dans la prière, c'est dans 45. Mais la date, c'est dans 30. La date, il faut. C'est à 19h là. Parce que à l'Aden on doit arrêter. C'est-à-dire ils font l'Aden. Ouais. Ils font l'Aden. Après, si on peut, après l'Aden, on peut continuer la baisse. Mais en fait, aux heures de prière, on doit faire l'Aden à 19h. Faire l'Aden à 19h et la prière juste après. Enfin, c'est-à-dire à l'heure où la prière d'habitude, sans qu'on attend. Ça va ? Et les questions ? Les questions, il les veut, il veut que ce soit des questions. Sur feuille. Et nous aussi, on prépare ça à cela. Pour les sœurs, si elles ont des questions, de toute façon, ça sera un mari qui va lire. Le mari va me donner soit le téléphone, soit il m'envoie le message. Et puis, on dit la question. En fait, c'est pour que la question ne soit pas directement. Il faut qu'elle soit triée, la question. Parce qu'il y a des gens, ils vont poser des questions ou ils vont dire des paroles. Comme certains responsables ont assisté à certains moments, et il y avait des frères qui ont parlé, où ils ont posé, on nous a posé des questions, on a laissé parler certains frères, et ça, on terminera.